J'ai les yeux rouges quand le soleil se couche. Bébé, pas touche, c'est pas ma fourche. Si tu y retouches, c'est dans ta bouche que finira cette belle cartouche. Brise la glace, me quand on rap, des rimes en masse, à cause du H. On mise ta face, c'est le deuxième lap. Fais pas la gage, j'ai pas de cash. Tu m'aimes pas, j'fais pas de poème dans tous les cas. J'suis pas sûr que j't'aime, pas de mauvais pas. Les plages, les aimes, mais oui, la vie c'est un dilemme. Ici, tu sais quoi le pire? T'es direct dans la ligne de mire. Mes lyrics, faut j't'efface lire. J'suis trop ouais, j'pense que j'délire. On va get high, I wish you don't mind. So let me find, if you try to lie. Tu peux prendre tout, mais pas mon couche. T'as de la misère à tenir debout. Et quand l'histoire elle finit louche, mange donc ta soupe et reprends la route. On va get high, I wish you don't mind. So let me find, if you try to lie. Tu peux prendre tout, mais pas mon couche. T'as de la misère à tenir debout. Et quand l'histoire elle finit louche, mange donc ta soupe et reprends la route. Je me fiche que t'aimes pas mes manies, mon ami. Ici aucune mythomanie. J't'en compte pas de menterie. J'roule pas en focus, mais j'focus plus que ta sœur dans l'autobus. J'grind my weed, j'grind my mind. Fuck ta speed, j'gobe de l'acide. Je redeviens solide, solide comme du rock. Don't give a fuck. Avoue, j'me fous un peu de tout, comme mon pouls. Ou deux petits kids à genoux qui te font fuck you. Un peu de modestie, j'vous prie. J'joue pas avec la POC, même si t'es un gros pick-up. Même si tu viens de la POC, sinon ta bitch va me suck, rien de loufoque. On va get high, I wish you don't mind. So let me find, if you try to lie. Tu peux prendre tout, mais pas mon couche, t'as de la misère à tenir debout. Et quand l'histoire elle finit douche, mange donc ta soupe et prends la route. On va get high, I wish you don't mind. So let me find, if you try to lie. Tu peux prendre tout, mais pas mon couche, t'as de la misère à tenir debout. Et quand l'histoire elle finit douche, mange donc ta soupe et prends la route.